Le butin, le détail, la bataille, la médaille. C'est moi, je travaille au charbon, en mission, addition, finition. Je suis dans un taudis, hier j'étais dans le bat. Je défonce les choses comme un macaque. Là c'est plus son, faites de la patate. J'ai plus rien, je t'envoie un autre contact. Double contact, vu que j'ai double WhatsApp. Là c'est pas bien, c'est plat, je peux te l'envoyer dans la tour. Plan que t'as planté, pour un plan sous moi je suis dessus. C'est pas la peine de faire l'ascension. Rampant, dans le bâtiment, ouais. Audi, Audi, Bob, oui, je l'ai vu, je t'ai dit, Bob, je suis dans les airs. Cadillac, John Cooper, j'ai vesti les méchants de la zone, je découpe, coucou. Sors l'aile, ennemi, hier, et réchauffe la cuillère, y'a les zombies. À chaque coin de ruelle, dans la zone, tu reprends ton bif. Écoute à ce qu'on dit, dit, rampant. La médaille, c'est moi, je travaille au charbon en mission, addition, finition.